y a comme un rideau qui se lève et les défunts arrivent. C'est eux qui se présentent par ordre pour que je les prenne. Donc, il est évident que si c'est un jeune homme qui est parti il y a quelque temps, et puis que si vous avez posé la photo d'une grand-mère qui est partie il y a 30 ans, la grand-mère, elle va laisser passer le jeune homme en priorité parce que c'est plus dans l'urgence pour les parents. Je ne vois pas la réaction des gens quand je leur parle. Je vois pas. Je vois juste le visage, mais je vois pas si elle pleure, je vois pas si elle rit. De temps en temps, je perçois la douleur qu'ils ont, exact. Je ressens leur douleur, leur émotion, mais je rentre pas dans leur jeu, sinon ça me coupe tout de suite, quoi. S'ils sanglotent, ça me gêne, donc je tourne la tête, je regarde ailleurs, je les regarde pas. Mes auditeurs à moi, les miens, ce sont des gens dans le deuil. Donc ils sont en deuil, ils viennent. Ou alors on leur dit, vas-y, ça peut t'aider. Donc ils viennent déjà avec un peu une ouverture, voilà. Donc il y en a qui sont un peu surpris sur le coup. Même s'ils n'y croient pas, ça les bouleverse quand même, ça les interroge. Après, ils reviennent peut-être une deuxième fois, ou des fois, ils ne reviennent pas du tout, parce que ça ne leur a pas plu du tout. Ça, je n'ai pas les résultats. Il y en a qui me disent, voilà, on a compris, on ne reviendra pas. Donc ça, pour moi, c'est un cadeau. Puis il y en a qui viennent à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et ceux-là, je me dis, ils n'ont pas compris que c'était, ils n'auront jamais rien, quoi. Parce que le défunt, de l'autre côté, il a un peu... On va parler simplement. Il a un peu cette tête. Il y en a qui passeront avec moi et qui passeront jamais avec moi parce que je suis trop brutal, parce que je ne correspond pas à leur énergie. Et surtout que les gens comprennent que les défunts ne sont pas à notre service. C'est pas, tiens, dimanche, Rénal, il est là, je vais aller voir si je peux avoir des nouvelles de tonton. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ce que je fais, moi. Moi, c'est pour vous aider dans la souffrance de l'absence de... Il n'y a que ça que je sais faire. Alors souvent, les gens me posent des questions, je ne sais pas répondre. Je sais simplement que le défunt, il vient, il me parle, je transmets. Alors, je me dis, est-ce que vous dites toute la vérité? Oui, je transmets tout ce qu'il me dit. S'il me dit des âneries, je dis des âneries. S'il me dit des choses justes, je vous les dis. Et si jamais il vous... Comment je peux dire ça? Si jamais il vous dit des vacheries, je transmets. Donc dans ce cas, les gens ne font plus la différence en disant... Mon défunt n'a pas été sympa, ils disent « Ah, monsieur Roussel, il n'est pas délicat, il nous a dit, il n'a pas été sympa. » Non, je transmets ce que... Le cas pour les veufs, gens qui ont vécu une vie, puis que le mari me dit « Pourquoi elle a posé ma photo encore? J'étais pas heureuse avec, je l'aime pas. » Et que la dame me dit ben, « Est-ce que je lui manque ?» Et l'autre, il me dit « Non, non, elle ne me manque pas du tout. » Je suis obligé de le dire. Alors, il y a des contacts où ça ne correspond pas du tout avec la réalité. Les gens disent non, non, non, non. Alors, je leur disais, ne dites pas non tout de suite. Attendez et vous verrez. Et là, j'ai entendu des gens qui disent, ah oui, on n'a même pas le droit de lui dire non. Il est prétentieux, il ne veut pas qu'on lui dise non. Non, c'est parce que dans l'émotion, on ne voit pas tout de suite. Donc, je disais, attendez. Maintenant, je ne dis plus. Maintenant, si vous me dites non, ce n'est pas grave, moi, ça ne me gêne pas. C'est après que ça revient en disant, ah oui, oui. Voilà, il y a des choses qui arrivent après. Ils se rendent compte qu'après... Puis, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. On leur fait oui, des révélations, plus en privé, pas en public, mais on leur fait des révélations. Qui sont très gênantes d'ailleurs. Moi, je n'aime pas trop ce genre de choses. Vous dire, vous avez des frères et sœurs, non. Et le papa me dit, si, il y avait un autre garçon, une autre fille. Ça, c'est très, très délicat. Ou les gens disent, ah oui, je m'en doutais. Donc, on confirme. Au début, ça me faisait rire. Après, ça m'a rendu un peu aigri, tous ces secrets de famille. Et après, ça m'a rendu triste, parce que vraiment, l'être humain, il est compliqué quand même. Il a des secrets de famille. Pas des belles choses en plus, c'est ça qui est terrible. Pas des belles choses. Donc oui, Ah non, les divorces, c'est rien, les tromperies, c'est rien. Des enfants qui ne sont pas déclarés, des veuves qui ont empoisonné leur mari, enfin des trucs. On découvre des choses, voilà. Des fois, il y a prescription, mais voilà. Je ressens la douleur de la personne qui en demande. Je n'avais jamais réalisé ça il n'y a pas très longtemps. Je savais que je ressentais la douleur, je ressentais la douleur du défunt, la douleur de la personne qui était en attente, mais je n'avais pas pris l'importance de ce que je représentais. Et l'autre fois, je lisais un livre, il y a une dame qui a écrit un livre et elle parle de moi. Et à un moment donné, elle dit, donc elle décrit des messages que je lui donnais, elle dit, l'homme, donc elle parlait de moi, l'homme qui montait à son podium ne pouvait pas penser à l'instant tout l'espoir qu'on avait mis dans son message. Et là, quand je suis à la deuxième séance que j'ai faite, Et ouais, j'ai réalisé que tous les gens, j'arrivais, ils me regardaient, oui, ils sont dans une attente, ils sont dans une telle douleur, une telle attente, et moi, je suis rien. Et des fois, je me dis, il y en a qui vont repartir sans rien. Et le plus dur, c'est quand ils viennent à la fin me dire avec la photo, j'ai rien eu. Là, je ressens, ouais, j'ai un mal-être. Donc, je dis que c'est parce que, je leur dis la vérité, parce que je ne correspond pas, ou ils ne sont pas prêts, ou voilà. C'est pas facile, je dis, quand ils ont un contact par un médium, c'est un cadeau. Alors que le médium soit bien, pas bien, parce que les gens sont toujours dans le jugement du médium. Ce qui est important, c'est qu'ils reçoivent le message quand ils y vont. Voilà. Et puis, le défunt n'est pas obligé de donner un message. Voilà. C'est pas forcément la première fois, c'est pas une obligation. Il faut que les gens comprennent comment ça va fonctionner. C'est pour ça que quand on veut me voir en privé, il faut passer par une séance publique. Alors, il y en a qui ont dit oui, il nous dit ça pour faire des entrées à ses conférences. Les conférences, elles sont blindées, donc je n'ai pas à faire d'entrée. Je ne vis pas de mes conférences, donc voilà. Mais c'est pour qu'ils comprennent comment que ça fonctionne, que ce n'est pas sur commande. Je n'appuie pas sur un bouton en disant ça va démarrer. Une fois qu'ils m'ont vu dans la salle, après, s'ils appellent dans les 8 jours, je ne les prends pas parce qu'il ne faut pas être venir dans l'envie tout de suite. Il faut qu'ils réfléchissent s'ils ont envie. Et après, c'est moi qui décide au téléphone si je les prends ou pas. Quand je les prends, ils sont heureux. Quand je ne les prends pas, je me fais insulter. Hein. Mais je sais que quand je dis non, que j'ai raison. L'autre fois, j'ai cédé, la semaine dernière, j'ai cédé à une dame qui m'a dit, il faut me prendre, ma maman est partie il y a 4 mois. Je lui ai dit, c'est trop tôt, rappelez-moi. Hein. Au bout de 5 mois, elle a rappelé. Et je lui ai dit, vous m'avez déjà vu en travaillant ça? Elle m'a dit non. J'ai dit, il faut passer par une... Elle m'a dit, c'est trop tard, je repars à l'étranger. Je l'ai prise. Quand elle est venue, elle s'était fait toute une illusion. Elle est repartie hyper déçue. Si elle m'avait vu en salle, elle aurait compris comment ça fonctionnait. Voilà. Et puis il y a des contacts en privé qui passent. C'est merveilleux, c'est une conversation entre vous et le défunt. Voilà. Et puis il y en a d'autres où ça ne passe pas. Là, j'ai appelé Christine la semaine dernière. Je lui ai dit, Christine, je viens de faire 2 contacts, c'est pas passé du tout. Les gens pas contents, ça ne passait pas. Ça ne vient pas de moi, ça vient du défunt de l'autre côté qui n'a pas forcément envie de livrer les choses. Et elle expliquait ça aux gens. Donc, tant pis, je préfère qu'ils disent, ouais, Reynald n'est pas bien, que qu'ils partent en disant que c'est pas vrai et qu'ils retentent la chance ailleurs, je préfère ça. Moi, elle est simplement venue à une de mes conférences que j'organisais à Paris parce qu'elle avait perdu son fils. Et puis, il y avait beaucoup de monde. Alors, c'est elle qui me l'a raconté parce que moi, je ne me rappelle pas. Mais paraît-il qu'elle est arrivée en retard et je lui ai dit, c'est pas grave. Et puis, elle a eu un premier contact dans la salle avec son fils. Je lui ai dit, je vois un jeune homme qui fait du vélo, mais il n'y a pas de roue. Et c'était un jet ski. Donc c'était un bateau, quoi. Donc je ne voyais pas les roues de cet engin qui avançait. Et bon, ça l'a fait rire. Puis on a sympathisé. La rencontre s'est faite comme ça. De là, ça enclenche le contact. Puis après, il m'a parlé de la montre de son beau-père, plein de choses. Ah, mais je ne la connaissais pas avant. Non. Je ne connais jamais les gens avant. Hein. Heureusement, parce que si je les connais, quand je connais les gens, je ne peux pas faire de contact médiumnique. C'est impossible. Parce que je ne suis pas fiable, parce qu'il y a l'émotion qui se fait. Donc, c'est des gens qui viennent par bouche à oreille. Pour son cas, elle, ou pour d'autres cas, quand c'est des enfants qui ont un accident, je revois l'accident tel qu'il s'est passé. Donc, je ressens l'émotion du défunt, s'il a souffert, s'il a eu peur, comment il a réagi. Je vois la scène, je vois qui est en tort, qui a raison. Voilà, ça, je vois. Et ça, je ne peux pas toujours le dire parce que ce n'est pas la peine de remettre le. Les parents, ils savent comment il est parti. Donc, ce n'est pas la peine de leur décrire l'accident. Sauf si on me dit qu'il faut insister, je décris. Mais je ne donne jamais le coupable quand quelqu'un a tort. Hein. Parce que souvent, après, il y en a qui viennent pour savoir qui a été en tort. Et ce n'est pas ça le but de la médiumnité. Hein. Et je lui ai dit, oui, certainement qu'elle pourrait si, le capter. Mais elle le ressent de toute manière de temps en temps. Hein. Voilà. Alors, ce n'est pas dû à toutes les mamans ne peuvent pas le faire. Certaines ont la possibilité de les ressentir, pas forcément de les voir, mais de les entendre. Et pas toutes, parce qu'il ne faut pas vivre par procuration. Cette dame a un très fort caractère, elle sait très bien que la vie, c'est ici et pas de l'autre côté, que son fils est de l'autre côté, à côté d'elle, elle est très forte de caractère. Alors qu'il y a des mamans qui, dans cette grande douleur qui est terrible, vivraient par procuration. Donc, ils ne seraient qu'en contact avec le défunt et ils ne vivraient plus ici. Et après, ça peut mener à la folie, quoi. Hein. Oui, ça peut être morbide, oui, absolument. C'est pour ça que les contacts ne se font pas toujours. Au bout d'un moment, les contacts s'arrêtent. On vient me voir une fois, 2 fois, 3 fois. au bout de 3 fois, des fois, il n'y a pas de message hein, dans la salle. Donc les gens sont un peu déçus, mais c'est fait exprès pour les protéger. Hein. Ça ne veut pas dire que le défunt est parti, ça ne veut pas dire qu'il est fâché, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus. C'est pour les protéger, puis laisser la place aux autres. Parce qu'une séance, ça dure 3 heures. En 3 heures, j'ai fait 40 contacts. Je ne peux pas faire 100 contacts. Hein. Donc ceux qui sont passés 2 fois laissent leur place aux autres. Voilà. Et puis c'est un peu pour protéger les parents, pour qu'ils vivent, qu'ils continuent à essayer, parce que vivre, non. Survivre, essayer de survivre, on peut dire ça. Ouais. Je connais tous les bonheurs que ça peut apporter et tous les malheurs. J'ai vu 3 ou 4 mamans qui ont fini en hôpital psychiatrique, hein, à vouloir des contacts. Moi, je voulais plus en donner, donc ils vont voir d'autres qui savent pas qu'ils ont déjà eu des contacts. Et ils tombent dans l'engrenage, dans la drogue. Et après, ben, ils veulent communiquer eux-mêmes, donc ils font des tas de procédés. Et à la fin, c'est la folie, quoi. Les gens sont très attirés par l'individualité, mais pas forcément un bon escient. J'ai fait une conférence dans une ville de France, où moi c'est sur réservation. 100 personnes, c'est beaucoup. Je ne fais pas 100 contacts. Donc sur 100 personnes, il y en a peut-être 60 en deuil, 20 qui viennent par curiosité, et puis les autres 20 de la région qui sont un peu médiums, voyants, qui viennent un peu chercher de la clientèle en se disant on va trouver des clients. Donc je fais cette conférence, 100 personnes. Et j'avais loué une salle des fêtes sur un rond-point. Donc il n'y avait pas de mur, c'était tout vitré. 100 personnes, et je vois un car qui arrive, qui se gare devant l'entrée, et descend de ce car, 130, 130, je le suis après. Tout le car qui descend et qui rentre, qui veulent rentrer sans réservation. Des gens qui venaient de très loin, qui ne comprenaient pas que c'était sur réservation, qu'on fait un pataquès à l'entrée. Il y a plusieurs entrées en plus. Donc, à l'entrée officielle, ben, ils faisaient le tour, ils rentraient par les portes sur les côtés. Ils m'ont piqué des bouquins. Ils ont insulté les gens. Parce que mes caissières, ce n'est pas mes caissières, ce n'est pas des employés, c'est des bénévoles. Hein. Ils les ont insultés. Il y en a deux, il y en a une, ça s'est fait tirer les cheveux. Bref, dans ma salle, j'avais 230 personnes. Il y en avait au balcon, alors que le balcon était fermé, ils ont trouvé le moyen d'ouvrir la salle des fêtes des balcons. Il y avait des matelas, je ne sais pas ce qu'il y avait eu souvent avant. Ils étaient assis sur des. Il y en avait partout, partout, partout, partout. Je me suis dit, je ne peux pas faire ma séance, ce n'est pas possible. J'avais le stress. Sans demander l'autorisation, ils ont balancé toutes leurs photos sur leur table. À la fin, ils les ont tous perdus parce que quand les gens reprennent les photos, ils se battent comme des chiens. J'avais 230 photos sur ma table et je me suis dit, si je m'en vais, je me fais lyncher. Donc, je suis allé dans les toilettes parce que moi, il faut savoir que l'éloge des artistes, moi, c'est les toilettes dans les théâtres. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et les guides m'ont dit, tu vas faire des contacts banals, ça ne voudra rien dire, mais il n'y en a qu'un seul qui va aider une maman dans la salle. Rien que ça, de savoir que j'allais aider une personne, je suis reparti. Alors j'ai fait mes contacts, nul. Hein. La grand-mère allait bien, le grand-père il s'est pendu, mais il en avait enfin des trucs bateaux que tout le monde peut faire. Hein. Et juste à la dernière minute, j'ai pris une photo d'une petite fille. La maman, elle était au premier rang, elle attendait que ça. Et elle a eu un message. À la fin, elle m'a sauté au cou. Après, j'ai rouspété là-haut. Hein. J'ai dit tout ça pour ça, il fallait faire venir cette dame ailleurs, quoi. Et je me suis tapé 200. Ah ouais. Alors, ça leur change que ce n'est pas le néant. Alors, il y a ceux que ça fait peur parce que ça continue. Hein. Donc, ils se disent, c'est pas terminé, on va encore souffrir. Non. Et il y a d'autres, ce n'est pas le néant parce qu'ils vont retrouver tous ceux qui sont partis avant eux. Ça change totalement de différence. Ce n'est pas la mise en terre, ce n'est pas brûler, descendre, jeter à la mer. L'esprit survit. Et pour eux, c'est merveilleux, quoi. Ce n'est pas un néant, ils n'ont pas fait toute cette vie. Il y en a, ils ont fait, il y en a qui ont beaucoup souffert. Hein. Toute cette vie de souffrance pour rien. Non, ce n'est pas pour rien. Après, il y a autre chose et après, ça doit être mieux, peut-être. Ce n'est pas le néant. C'est comme ça que je l'ai expliqué. C'est comme ça qu'il y en a qui sont revenus me dire de l'autre côté, oui, ce n'est pas comme vous l'expliquez, mais ça continue et c'est bien. Je pense que c'est au cas par cas. Hein. Voilà. Je ne suis jamais passé, donc je ne peux pas vous expliquer. La seule chose que je sais, si vous avez vu le film Ghost, au tout début, le premier quart d'heure où il se fait assassiner dans la rue, il tombe, on voit son corps éthérique qui sort et qui monte. Voilà. Je pense que c'est comme ça. Moi, je ne l'ai pas vécu, alors je ne sais pas. Hein. Ils ne me disent pas quand il meurt, ils me disent on a souffert, on n'a pas souffert, mais ils ne m'expliquent pas le phénomène, comment il se dégage, quoi. Molly? Molly, you got it. Je pense qu'il y en a qui sont un peu perdus, quoi. Mais pas perdus, ça ne veut pas dire mal. Ils sont quand vous venez à Paris chez moi, les gens qui viennent de Paris, qui viennent de Strasbourg, quand ils arrivent à la gare, ils sont paumés. Alors, il y a les neuneux qui restent sur le quai de la gare à regarder. Il y a ceux qui demandent. Et puis, il y a ceux qui sont les plus dégourdis, qui prennent un plan, puis qui arrivent chez moi directement. Et puis, il y a ceux à qui on a dit que ce sera tel métro, puis qui voient sur le plan que l'autre métro est plus près, ils prennent l'autre, et c'est faux sur le plan. Je pense que quand on a vu de l'autre côté, voilà, c'est un peu comme ça, c'est imagé. Hein. Puis on vient nous aider puisqu'on dit qu'on a des anges gardiens qui viennent nous chercher, nous montrer le chemin. Ou des guides, ou... Parce que l'ange gardien, ça représente un peu religieux. Hein. Ce sont des énergies qui viennent nous aider. Voilà. Je pense que c'est comme ça, mais je ne suis jamais allé. Moi, la seule chose que je sais, c'est qu'après, il y a autre chose et qu'on va se retrouver. Quel bonheur! J'ai écrit sur mon blog une histoire d'une dame, je l'ai changé les prénoms pour pas qu'ils se reconnaissent. Mais oui, elle venait me voir en conférence à Paris. Je me rappelle de cette dame, la première fois, elle m'a dit « C'est ici qu'on parle avec les morts, un peu agressif dans la douleur. » Je dis « Ouais, c'est ici. » Elle me dit « Alors, je veux des nouvelles de mon mari. » Je dis « Ben, installez-vous et on verra. » Il n'y a rien eu la première fois. À la sortie, elle m'a un peu engueulé parce que c'était une titi parisienne, elle avait les mots. Elle est revenue le mois d'après, il n'y avait rien eu, elle m'a encore un peu rouspillé. Et la troisième fois, elle vient, je lui dis « Mettez-vous au fond parce que devant, vous me gênez. » Parce qu'elle était tellement en attente. Et là, c'est passé. Donc, j'ai sympathisé avec elle. Elle voulait venir me voir une fois par mois. Moi, on me voit une fois chez moi, en privé une fois. Mais elle, j'ai cédé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai cédé. Et elle venait une fois par mois prendre des nouvelles. Et elle m'a dit « Quand je serai là-haut, je viendrai vous voir. Hein. » Et un jour, j'apprends qu'elle disparaît. Et un matin, elle était dans mon bureau le matin. Elle me dit « Je suis bien arrivée de l'autre côté. J'ai retrouvé mon mari. » Et c'est fabuleux. Et j'en ai vu plusieurs fois dans la salle, aussi en public, qui venaient, qui me disaient « Monsieur Roussel, je suis de l'autre côté maintenant. Oh. » Voilà. Donc, je ne peux pas douter. Ça, dans les livres, il y a des châteaux, des maisons, des bois, des prés. Non, c'est une image que l'on fait nous. C'est la conscience qui visite des mémoires de l'univers, auxquels on n'a pas les termes, les mots pour expliquer aux gens comment c'est. Une fois, j'avais des fleurs pour une âme. J'ai des fleurs, mais c'est quoi comme fleur? Eh bien, je lui ai dit, je ne sais pas. J'avais des fleurs. Je savais que c'était des fleurs, mais il n'y avait pas le langage pour dire, pour interpréter. Comme les couleurs, ça, je les explique à chaque fois, les couleurs. Il y a des tas de couleurs, il n'y a pas les mots. La musique, il n'y a pas les notes. C'est autre chose, on part dans une autre dimension. Moi, je suis content que ça ne s'arrête pas. Hein. Je lâche tout, mais ça ne s'arrête pas. Les signes existent, les défunts nous font des signes, mais il ne faut pas s'en inventer. Il y a beaucoup de gens qui s'en inventent. Hein. Et ils ne savent plus après si c'est des signes, donc ils viennent voir le médium en disant « Est-ce que c'est un signe ?» Alors, si on leur dit oui, ils sont vachement contents. Si on leur dit non, ben ils sont hyper blessés ou déçus. Et puis le défunt, lui qui s'est forcé à faire un signe, on doute de lui, il n'est pas content, quoi. Alors voilà. Donc les signes, ça existe. Ils sont multiples. Hein. Ils sont multiples. Mais la lumière qui clignote, ce n'est pas forcément un signe. Hein. La fenêtre qui va s'ouvrir toute seule, ce n'est pas forcément. Voilà, les signes, c'est très. Moi, personnellement, j'en ai pas, moi. Pourtant, je suis mieux placé que tout le monde. Hein. Mais voilà, j'en ai pas, je peux pas trop savoir ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des signes, et puis il y en a qui en ont toute la journée. Hein. Donc il y a un problème, quoi, voilà. Alors, personnellement, ce que je pense sincèrement, mais c'est ma vérité, moi, elle n'est pas signée, elle n'est pas officielle. Au départ, le défunt de l'autre côté, il vous fait des signes pour vous réconforter tout de suite pendant un laps de temps. Et après, ça s'espace, voilà. Et si on est un peu ouvert, on capte. Et puis quand on a un signe, personnellement, on le sait au fond de soi-même. Il y a des moments qui disent, j'ai eu un signe, je sais au fond de moi que c'est ça. Donc ils ne demandent pas. Ceux qui demandent qu'on le doute, c'est normal d'avoir le doute, mais le signe, c'est à l'intérieur de soi, on sent tout de suite, quoi, on sent. Quand on rêve d'un de ses défunts, on rêve, c'est comme sur un écran de cinéma, on rêve, on le voit. C'est tout. Le songe, on est incorporé à la scène avec le défunt. Et là, on lui parle, on le touche, on le respire, voilà. Ça s'appelle un songe. C'est notre esprit qui sort d'un plan, qui va vers le défunt, et le défunt qui descend à un plan où on se rencontre. La rencontre se fait. Combien de temps ça dure, je ne sais pas, mais la rencontre se fait. Et quand on se réveille, c'est très douloureux, parce qu'on se rend compte qu'on a été en contact et que c'est fini, quoi. Ça, c'est du songe. Quand ça arrive, c'est cadeau, hein, pareil. C'est cadeau. Et on ne doute pas, on dit, il ne faut pas aller voir un médium en disant, j'ai fait ça, est-ce que c'est vrai? Non, on sait à l'intérieur de soi qu'on a touché, qu'on a parlé, qu'on a... Les scientifiques n'arrêtent pas de nous dire que notre cerveau, on travaille qu'à je ne sais pas combien de pourcents. Donc on peut développer le cerveau très fort. Hein. Ce que je fais, ça n'a rien de... C'est parce qu'on se limite soi-même, on est limité. Là, si je prends une enveloppe, que je vous la mets dans les mains et que je vous dis... Dites-moi ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez me dire non, je ne vais pas y arriver. Donc déjà, vous fermez tout le truc. Si vous dites je vais essayer, vous ouvrez un petit peu. Et si on force, vous allez y arriver. Mais ce n'est pas forcément du premier coup. Donc on se limite dès la naissance, dès que la sage-femme elle nous tape sur les fesses, clac, puis qu'on prononce le premier souffle, déjà on ferme tout un tas de trucs. Puis après, la vie fait qu'on est enfermé dans un cocon. Alors que si on était ouvert d'esprit... J'ai un scientifique qui est venu me voir, qui a perdu sa femme. Il est venu me voir, il m'a dit « j'y crois pas, mais je veux essayer ». Ah ben, j'ai dit déjà, ça démarre mal. Hein. Il me dit « vous êtes le troisième que je vois ». Ah. J'ai dit « avec les autres, comment ça s'est passé ?» Il m'a dit « je vous dirai après ». Je fais le contact, merveilleux le contact, ça passait tout seul. J'ai dit « avec les autres, comment ça s'est passé ?» Il me dit « comme avec vous ». J'ai dit « donc, vous y croyez ?» Il m'a dit « je peux pas y croire ». Je vous ai le dire à vos collègues quand même, il dit « ah non, j'ai honte ». Et les chats voient les défunts facilement. Mon chien, quand je suis dans une salle et qu'il y a un autre animal qui se présente de l'au-delà qui arrive, il change d'attitude, il se lève, il regarde dans la salle, j'ai toujours peur qu'ils foncent, oui, ils perçoivent. Puis les animaux ne se prennent pas la tête, hein. Ils voient, ils se disent pas ce que je vois, et les humains se disent « oh là là, il y a des humains qui voient ». Ils se demandent s'ils sont fous parce qu'ils ont vu, parce qu'ils... Non, un animal, il voit, quoi. Mais je sais qu'un chat, des fois, il reste des heures entières à regarder dans un angle. Alors, les gens disent, ils méditent. Oui, mais ils perçoivent l'invisible. Hein. Je faisais une conférence il y a quelques années sur les animaux. Donc, je l'ai fait 3 fois, c'était très bien. Mais avec Internet, c'est devenu tout et n'importe quoi. Mais je parlais que, ouais, je n'aboyais pas, je ne gueulais pas, mais je donnais la description du chien, je donnais des détails précis que le maître savait. Mais avec Internet, c'est devenu n'importe quoi. Maintenant, les gens, ils ont écrasé un faisan sur la route, ils l'ont ramassé, ils me demandent si le faisan leur en veut. Donc, j'ai zappé cette conférence. Voilà. Alors, les guides sont la conscience, une conscience. Il faut trouver un mot à la conscience. Donc, on dit un guide. Et quand on dit un guide, les gens pensent à une entité, à notre personnage. Non, c'est une énergie qu'on a. Maintenant, pour entrer en contact avec vos guides, il faut faire de la méditation, il faut faire le silence en vous. Et à partir de là, vous aurez des informations qui ne vont pas vous plaire. Hein. Vous allez vous dire, oui, mais je pense. Non, ce que vous recevez, c'est différent de la pensée. Là, je vous parle, c'est moi, Rénal, qui vous parle. Si je me mets en médiumnité, je vais recevoir des informations. Ce ne sera pas de la pensée. Là, je peux parler et penser en même temps. Je peux vous parler, puis vous dire que je peux penser que votre pull, il vous va bien comme couleur et tout. Je peux faire les deux. Le guide, il va intervenir, c'est un troisième qui va intervenir, où là, je ne contrôle pas. Voilà. Et on appelle ça les guides spirituels. Alors, on en a plusieurs, paraît-il. Après, moi, je croyais que j'en avais qu'un, que c'était le mien, voilà, à moi. Quand je me suis rendu compte qu'il pouvait vous servir à vous, puis à plein de gens, je faisais un peu la tête, parce qu'on est quand même très égoïste. Parce que les gens vous disent « mon guide ». Non, ce n'est pas « mon guide ». C'est le guide. On a une aide. Si on demande de l'aide, on l'a. Il faut accepter l'aide. Il ne faut pas refuser. Il ne faut pas promettre au ciel des tas de trucs qu'on ne pourra pas tenir. Le ciel n'a besoin de rien. Voilà. On demande. Si on mérite, on a. Si on ne l'a pas, c'est pas qu'on mérite pas, c'est que c'est pas bien pour nous. Donc, ça ne nous est pas donné. Et puis, on demande beaucoup. Hein. Alors, des fois, ils ne distribuent pas à volonté. Il faut aussi... C'est, et toi, le ciel t'aidera. Si on se met en marche pour faire quelque chose, les aides viennent. Voilà. Si on ne fait rien et qu'on demande, eh bien, on peut attendre longtemps. Si on décide de faire quelque chose et qu'il y a des obstacles, ce n'est pas pour nous entraver, c'est pour nous protéger. On doit comprendre au bout d'un moment que ce n'est pas fait pour nous. Quoi. Puis au bout d'un moment que vous voulez le faire, de là-haut, eh bien, ils vous lâchent. Hein, ils vous disent, vas-y. Hein. Et après, ben, voilà, après ça ne va pas. Ça, je l'ai vu beaucoup de fois, beaucoup de fois. Hein, beaucoup. Même pour moi personnellement, des choses que je voulais faire, que ça bloquait. Jusqu'à temps que je comprenne que c'était bloqué pour me protéger, quand c'est bon pour moi, j'obtiens. Quand c'est pas bon, ben, j'obtiens pas. Mais... Et alors, les gens veulent toujours vous demander des trucs spirituels. Non, la vie est spirituelle, la matière est spirituelle, l'argent est spirituel. L'argent est une énergie qui s'échange. Donc, on peut demander une voiture, on peut demander des choses, on peut tout demander. On ne va pas que demander du spirituel. La paix, la santé, c'est déjà énorme, ça. Ben, c'est difficile, c'est pour ça que depuis 25 ans, je me suis battu pour redonner des lettres de noblesse à la médiumnité, même si c'est prétentieux, je suis arrivé presque, pas généralement, mais les gens qui viennent me voir, ouais, ils savent que je ne suis pas dans le paranormal, on ne vient pas savoir si on va vendre sa maison avec moi. Hein. Parce que... Mais j'ai démarré par tout ce côté-là, hein, parce que quand on démarre, j'ai démarré. Hein. J'ai fait quelque chose que je ne voulais jamais faire, mais je l'ai fait, parce qu'il faut bien se faire connaître. Hein. Donc j'ai démarré... J'ai fait un peu de trucs par téléphone, ça n'a pas marché parce que j'allais trop vite. Le mec, il ne m'a pas payé parce que j'avais un chronomètre, il fallait que je fasse durer les gens 25 minutes. Mais moi, en 10 minutes, j'avais tout dit en voyance. Donc, il m'a dit, je ne peux pas vous garder, je ne gagne pas ma vie. Hop, ça a duré 15 jours. C'est à l'époque où je mangeais du riz et de la moutarde. Donc, je faisais un peu la gueule. Et après, j'ai démarré dans une brocante. Dans une brocante pour les orphelins de Paris. Et il fallait de l'argent pour récolter, donc j'avais une guitoune avec une plante en caoutchouc et je m'écarte et je faisais des... Voilà. Donc je suis passé par tout ça, quoi. L'autre fois, j'ai regardé un truc sur Canal. Le gars, il arrive avec sa photo à la pignon sur rue. Hein, la femme, à la pignon sur rue, elle est médium, elle passe à la télé, elle a un stand. Il lui sort, il lui dit, il paraît que je suis la réincarnation de Molière. C'est là que j'ai honte de mon métier. Des fois, je me dis, mais c'est pas du tout ce que je fais. Elle prend son pendule, nanana, elle prend ses cartes et tout. Elle lui fait, effectivement, vous êtes la réincarnation de Molière. Donc, le petit parent rigolant et tout. Non, ben, voilà. C'est tout le folklore du paranormal. C'est pour ça que je dis que je ne travaille pas dans le paranormal. Je travaille dans le deuil, dans le normal. Mais je ne fais pas partie de ces gens-là, quoi. Alors, moi, je voulais faire un livre. J'ai un livre qui va sortir. Hein. Je voulais qu'il sorte après ma mort, comme ça. Tout le monde pourra me critiquer de là-haut, je rigolerai. Mais il sortira avant que je meure, donc je taperai les critiques. Je vais parler de tous les escrocs de la médiumnité que j'ai rencontrés. Pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce que vous allez voir un conférencier derrière un podium, il est assis derrière son podium, il détient la vérité. Non, il raconte son expérience n'est pas la vérité. Voilà. La guérisseuse qui fait 50 soins par jour, elle n'est pas guérisseuse du tout, elle vous prend 50 euros par personne et il y a 50... Il y a 500 euros sur son bureau le matin. Non, voilà, je l'ai vécu, ça, donc je sais. Hein. Le mec, il me dit, Monsieur Roussel, faudra lire le bouquin. Je vais venir à un conférencier qui disait que c'était la Sainte Vierge qui payait tout pour lui. En attendant, la Sainte Vierge, c'était Monsieur Roussel qui payait. L'hôtel, le train, le machin et tout. L'autre, il balance ça devant tout le monde. La Sainte Vierge me donne tout. Ben non. Ça donne une ouverture de conscience sur la vie de tous les jours. Donc la vie, elle change. Hein. Il faut accepter le changement. Voilà. Parce que les valeurs ne sont plus les mêmes. Quoi. Ça n'empêche pas de vivre tous les jours normalement. Hein. Mais on a une autre ouverture sur les choses de la vie. Quoi. C'est au cas par cas, c'est pareil. Hein. Il y a des gens, ils vont s'ouvrir et puis rien ne va changer pour eux. Hein. Moi, personnellement, je sais que ça déplaît aux gens quand je dis ça, je ne me sens pas missionné de le faire. Hein. Demain, je peux arrêter. Si vous me demandez un contact, si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Je ne suis pas puni par là-haut, je ne suis pas missionné, je fais comme je veux et je vis ma vie d'homme normalement, sans contrainte. Hein. J'ai eu l'expérience déjà d'un monsieur qui est venu, je lui ai dit, mais François, il est mort. Il m'a dit, non, je l'ai vu il y a un quart d'heure. Je lui ai dit, mais il est mort. Hein. Entre le moment où il venait chez moi, l'autre, il est mort. Donc, il venait me voir, donc je lui ai dit. Voilà. Mais ils viennent me voir, mais ça ne me gêne pas, moi, quand ce n'est pas l'heure, je leur dis non. Mais c'est le problème, hein, après, quand on est comme nous, Moi, des fois, quand je suis chez des copains, chez des amis, je fais attention à ce que je dis parce que les gens me prennent tout pour argent comptant. Quand je suis en soirée, non, parce que là-haut, on coupe le robinet, hein, je dis on ferme. Hein. Mais de temps en temps, ça peut. Si je m'embête dans une soirée, hop, je vais partir dans mon monde. Donc je vais avoir des informations. Il faut faire gaffe parce que les gens, tout ce qu'on leur dit, comme vous êtes médium et qu'ils ont l'impression que c'est un grade supérieur, ils prennent tout pour argent comptant. J'ai un monsieur qui vient une fois par an. Il était drôle, ce monsieur. Il vient une fois par an, puis pour faire un bilan de santé, il veut savoir pour sa santé, il veut savoir pour sa femme qui est de l'autre côté, et pour son travail. Et puis à un moment donné, je lui dis, bon, ben, rendez-vous au ciel. Il part sur le palier. Je déconne tout le temps. Moi, je fais rendez-vous au ciel. Putain, je ne le vois pas pendant 2 ans. Puis un jour, il me rappelle, il me dit, je peux venir, monsieur Roussel? Et moi, je fais, ben, il y a longtemps que vous n'êtes pas venu. Ben, il me dit, mais non, la dernière fois, vous m'avez dit, rendez-vous au ciel, alors je pensais que j'allais mourir. Donc, il faut faire attention à ce que vous dites, parce que les gens prennent tout ce que vous dites. Non, moi, je peux vous dire des blagues, et c'est que ce sont des blagues. Donc, j'essaie un peu de me contrôler par rapport à ça. Ça, c'est ce que vous avez lu. Ça, c'est ce que tous les médiums disent. Mais moi, je ne vous le dirai pas, parce que quand j'irai de l'autre côté, je veux qu'on m'explique pourquoi. Pourquoi une maman perd 3 enfants? Pourquoi une jeune mariée est assassinée devant l'hôtel par son mari parce qu'elle a une crise de folie? Pourquoi une maman a un enfant trisomique? Pourquoi... Non, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Hein. Je veux qu'on m'explique pourquoi. Donc, vous voyez, j'ai encore du chemin à faire au niveau de la compréhension de la spiritualité. Hein. Parce que moi, me dire qu'on est là pour évoluer, ok. Je ne peux pas accepter ça. Le mode d'emploi de la vie, il faudra qu'on me le montre. On choisit ses parents, c'est... Non, non, non. On choisit le pays où on va naître. Non, non, on ne choisit pas. Il y en a qui vont dire, oui, on sacrifie, notre âme se sacrifie pour aller vivre en Syrie. Je ne peux pas entendre ça. Mais je ne sais pas comment l'appeler, mais spirituel, tout de suite, quand on prononce le mot spirituel, en France, je ne sais pas, tout de suite, on parle le côté religion. Non. Il y a une ouverture d'esprit qui se fait, oui, c'est vrai. Quand j'ai commencé il y a 25 ans à aujourd'hui, il y a une ouverture qui se fait. Les jeunes sont plus réceptifs, ne rigolent pas quand on dit qu'on est médium. Ceux qui ont 40 ans, ils se marrent, ouais, ils parlent avec les morts. Vous dites à un jeune, l'autre est le médium, ils ne savent même pas ce que c'est. C'est inclus dans leur truc, ils rigolent pas. Oui, il y a une ouverture qui se fait. Il y a une sagesse, les jeunes ont une sagesse. On dit toujours les jeunes ceci, les jeunes cela. Oui, il y a des jeunes qui ne sont pas bien, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont très très bien. Très, très bien. Et dans mes conférences, il y a 25 ans, il n'y avait que des gens de... Ça démarrait à 30 ans jusqu'à 99 ans. Aujourd'hui, ça démarre à 20 ans. Il y a des jeunes dans mes conférences. Avant, il n'y avait pas. Il y a toujours des anciens, puis les anciens meurent. Hein. Ils viennent me voir de là-haut, des fois. On se dit, j'assiste à vos conférences. Voilà, il y a des jeunes dans les salles qu'il n'y avait pas.